Blockbuster, je vous appelle par rapport à l'émission que vous avez fait vendredi dernier sur Malcolm, parce que dans l'émission, vous utilisez la voix de Brigitte Lecordier, qui est une grande doubleuse française, et voilà, je voulais lui rendre un hommage. Elle dit en route pour Blockbuster sur France Inter, et voilà, je trouvais ça très plaisant de l'entendre. Je vais vous remercier d'avoir utilisé sa voix et en même temps lui faire un coucou et vous dire bravo pour votre émission. C'est vraiment super à chaque fois des ciels de pouvoir vous entendre. Voilà, merci beaucoup à tout le monde et à bientôt. Ciao, ciao. Franchement, Frédéric, c'est chiant, hein. T'es toujours obligé de tout spoiler. Moi, je connaissais pas JoJo's comme manga et j'aurais bien aimé le découvrir. Maintenant, je connais toute l'histoire par cœur. Oui, je suis un très grand fan de JoJo depuis de nombreuses années. J'ai adoré ton émission. Merci, Fred. Et j'ai crié des dos pour qu'ils reviennent. Autant, bon, Xena la guerrière, je m'en souviens très bien et j'ai peut-être pas envie tout de suite de me plonger dans cette série à regarder. Autant Jojo, et bien que je ne connaisse pas du tout les mangas, ça m'intrigue un peu cette histoire des stands, des pouvoirs personnifiés. Je trouve l'idée assez sympathique là sur le papier comme ça. Je suis tellement contente de savoir que vous allez parler des Spice Girls. Alors j'ai toujours les deux CD des Spice Girls et je me souviens qu'à l'époque, je les écoutais en boucle dans ma chambre, tapissée de posters de Buffy, pendant que je m'amusais avec ma poupée Barbie à mettre des râteaux à Ken. Bref, girl power et longue vie à Blockbuster. To be or not to be, not to be. Franchement, à 43 ans, quand est-ce qu'on danse encore? J'ai l'impression que danser, c'est comme me coiffer ou me demander ma carte 12-25 ans, c'est un truc qui m'arrive plus en fait. Les slow, les t-shirts Waikiki, les magnétoscopes, la gauche au pouvoir, c'est tout des trucs qu'on va continuer d'en parler aux générations futures, mais nous croirons plus. Passer la trentaine pour danser, faut que t'attendes qu'un de tes potes se marie. À l'adolescence, je dansais tout le temps, même tout seul dans ma chambre, je dansais. Alors attention, hein, je dansais, mais ça veut absolument pas dire que je savais danser. Enfin, dans ma tête, si. Dans ma tête, j'étais Patrick Swayze. Dans la réalité, j'étais Patrick Balkany à la fête de la musique. Un jour, un pote m'a filmé, et franchement, moi, sur une piste de danse, on dirait que j'essaie de faire atterrir des avions à Roissy. Je suis assez âgé pour avoir connu les booms, et aujourd'hui, je montrerai une boom à mes enfants. Le seul truc qu'ils me diraient, c'est « Oh, ils respectent pas les gestes barrières !» D'ailleurs, les discothèques non plus n'ont toujours pas rouvert. On danse plus. Aujourd'hui, on marche. On marche pour le climat, on marche contre les violences policières, on marche pour les retraites, on marche. Mais vous savez quoi? Moi, j'aimais bien danser. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. I don't get it. Why do people stereotype us? Pourquoi les gens nous voient comme des images stéréotypées? C'est drôle, ça. Vous vous souvenez de l'année 96? François Mitterrand nous quitte, Jacques Chirac annonce la fin des essais nucléaires, la haine de Mathieu Kassovitz reçoit un César, Independence Day et Twister triomphent sur les grands écrans, Tom Cruise commence à faire des galipettes sous le nom de Ethan Hunt dans Mission Impossible, oui, il a commencé il y a longtemps. Mais surtout, les Spice Girls débarquent avec leur single Wannabe, révolutionnant la musique pop des années 90 et devenant même, n'en déplaise aux rageux, un phénomène de société. Pour revenir sur cette Spice Mania, j'ai avec moi d'authentiques témoins de cette époque. Joséphine Dry, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédienne, vous jouez le spectacle Gênance en live depuis la plateforme livenow.fr tous les mercredis à 21h au mois de juillet. Et on pourra vous retrouver à la rentrée dans le téléfilm Belle Belle Belle sur TF1, adapté du film américain I Feel Pretty. Exact. Et évidemment, les auditeurs de la bande originale se souviennent de vous. En dernier, oui, c'est ma dernière participation en France Inter. Mais après, ça remonte plus loin encore. Oui. Avec nous également Océane Zerbini, bonjour. Bonjour Fred. Vous êtes fondatrice du podcast The Lemon Adaptation Club et une habituée désormais de Blockbuster. Tout à fait. Et mon copain, mon poteau, le copain, Sébastien Follin, bonjour. Salut. Vous êtes animateur à la télévision et on pourra vous retrouver dans l'effet pangolin à la rentrée. Une excellente émission. Oh là là. Excellente, excellente. Dans lequel je suis absolument pas chroniqueur, mais quand même un peu. Un petit mais. Mais aussi dans le podcast Les Combattants Pacifiques fin septembre et vous serez le président d'honneur du festival Atmosphère du 6 au 11 octobre à Courbevoie. Exactement. Ensemble, on va revenir sur le phénomène Spice Girls, de sa création à sa séparation. On essaiera de comprendre comment un groupe pensé à la base comme un pur produit de consommation. Pas taper les fans, pas taper. Pas. A pu devenir le porte-étendard de ce que l'on appelle aujourd'hui encore le girl power. Enfin, on s'interrogera sur ce qu'il reste désormais de la Spice Girl Mania. Allez, vous avez le droit de pousser la table du salon. Laissez-vous envahir par la nostalgie des 90s. À Blockbuster, on n'est pas dans le jugement. En 1996, Joséphine, comment vous recevez la vague Spice Girl et qu'est-ce que ça représente pour vous encore aujourd'hui ? Mais déjà, comme tout le monde, comme toutes les petites filles, enfin, moi j'avais 12 ans, donc j'étais déjà au collège. Mais en plus, justement, c'est l'âge où on a l'affirmation de soi aussi, je trouve, par l'identité visuelle et la personnalité. Et c'était tellement fou, c'était tellement un raz-de-marée visuel, parce que c'était pas qu'auditif, justement, les Spice Girls, c'était autant la vue que l'ouïe. Et donc, en fait, c'était, je trouve, très libératoire pour la petite fille, jeune femme que je devenais, d'avoir en fait une sorte de d'être capable de me dire je peux être ce que je veux. Parce qu'elle représentait à elle 5 la femme par toute sa splendeur, alors tout le côté girl power justement aussi, c'est tout cet élan. Moi j'ai le souvenir de me dire waouh, je peux me permettre d'aller loin, d'être provocante si je le veux, d'être en fait juste être libre et de pas me sentir oppressée par quoi que ce soit. Et je pense qu'à cet âge-là, à 12 ans, c'est des âges clés pour ça. Donc ça représentait pour moi vraiment ça. Et est-ce que vous avez d'abord entendu le single à la radio ou est-ce que c'est le clip ? C'est le clip qui reste culte pour tout le monde. On ne parlait que ça dans la cour. Le clip était révolutionnaire. On découvrait justement les identités des Spice Girls, leurs costumes. Et ça, vraiment, le côté visuel est, je trouve, aussi important que le côté musical. Donc nous, on parlait autant du clip que de la chanson en elle-même, quoi. Donc oui, j'ai le souvenir surtout du clip, en fait. Océane, même question, est-ce que les Spice Girls ont tout de suite été une évidence ou est-ce que ça vous a demandé un temps d'adaptation en écoutant deux fois, trois fois, vous dites « Ah, finalement !» Alors, il faut savoir que moi, j'avais 3 ans. Donc, autant dire que c'était vraiment... Désolée du coup de jeu pour vous et les auditeurs, mais j'avais 3 ans à l'époque et ça a été un des premiers groupes qui m'a vraiment marqué. J'avais le t-shirt, j'avais les CD que mes parents m'avaient acheté, j'avais vu le clip à la télé et c'était la première fois. Je m'en souviens encore alors que j'avais juste 3 ans, ça peut paraître fou, mais c'était la première fois que je voyais autant de femmes réunies pour créer une œuvre artistique, alors que jusqu'à présent, je voyais surtout des groupes de super-héros, des films avec des héros masculins. Et là, pour une fois, il n'y avait pas d'hommes, rien du tout. Il n'y avait que des femmes et qui, effectivement, exprimaient une sorte de liberté, c'est-à-dire qu'elles étaient libres de leur mouvement. Et il y avait un peu une notion d'émancipation, déjà, que j'ai comprise en revenant dessus quelques années plus tard. Mais c'est ça aussi, c'est ça surtout que ça m'évoque. C'est vraiment pour la première fois, je voyais des femmes fortes et qui dépendaient pas des hommes. Mmh. Et c'était révolutionnaire. Et alors là, je vous pose la question à toutes les deux. Vous avez évidemment eu une rencontre avec les Spice Girls, mais les parents aussi, je pense, ils ont dû suivre ça de derrière, mais aussi apprécier ou non? Oui, parce que pas de danger, je trouve que c'était quand même malgré tout pas inoffensif. Voilà, il y avait quand même un côté inoffensif, il y avait un côté fun, il y avait pas un côté même Jerry Halliwell qui était, on va dire, celle qui était la plus provocante physiquement dans ses tenues. Alors après, il se trouve que chacun, je pense qu'on aura un moment accès à quelle Spice Girls étiez-vous. Évidemment. Mais voilà, je pense que si je m'étais présentée du jour au lendemain habillée comme Jerry Halliwell, ras la foune à 12 ans, peut-être mon père serait intervenu. Mais je trouve que c'était, après moi, je n'étais pas j'étais Baby Spice, voilà, mon alter ego. Donc c'était plutôt sage. Donc au final, mon père était ravi, il n'y avait pas de problème avec, pas du tout le sentiment de danger. Même les valeurs qu'elles incarnaient étaient plutôt positives. Enfin, voilà, j'avais pas les parents réac, donc j'avais pas de raison que s'affirmer en tant que femme et girl power dérange qui que ce soit chez moi. Donc, Océane. Moi, mes parents me faisaient autant écouter du David Bowie que des Spice Girls. Donc, je pense qu'ils tenaient un peu à cet équilibre entre moi qui découvre des choses de mon côté et mes parents qui quand même m'inculquent des groupes que eux ont connus et qui voudraient que je continue à écouter. Donc, c'était plutôt intéressant ce mélange, très british d'ailleurs. Oui. Et c'était assez intéressant de naviguer entre ces deux eaux-là parce que ça reste quand même des visions très, très intéressantes de la musique. Ouais, moi j'ai navigué entre Jeanne Masse et Michel Sardou. Ah ouais, ah, c'est un peu plus dur. Ah bah oui, mais j'en parlerai dans une autre émission, c'était pas facile. Sébastien Follin, oui. Vous êtes évidemment, je le sais, moi, un passionné de musique. Et qu'est-ce que vous avez pensé en écoutant le fameux premier single Wannabe ? Wannabe, en fait j'étais directeur d'antenne d'énergie à l'époque à La Réunion. Et oui, j'avais 10 ans et j'étais déjà directeur d'antenne. Et en fait, ne trompe personne. Ouais, donc 96, on est en pleine vague boys band. Ah oui, voilà. Il n'y a que ouais, ça. C'est que la réponse en France, à ça. Ouais, c'est ça. Que ce soit en France avec Alliage, G-Squad, 2B3, ou alors bon, avec les Boys Zone, voilà, ouais, Texas, East 17, même aux États-Unis, NSYNC, d'où sortira ensuite Justin Timberlake. Donc, bien, vraiment... Il faut vous rendre compte qu'en citant tous ces noms, là, il y a plein d'éditeurs qui font oh, East 17, j'avais ouais, complètement ouais, oublié. Mais oui, ouais, mais oui. Boys to Men, oui. Par exemple. Enfin bon, il y avait quand même une vraie vague de. Les New Kids on the Block, si vous voulez continuer à jouer. C'est rigolo avec ça. Marky Mark. Ouais. bref, donc on est en pleine vague boys band et on reçoit ce disque. Et évidemment, on comprend que ça fait partie de la mouvance, mais enfin un girls band quoi. Donc là, en mec de 10 ans qui reçoit ce disque, il dit ouais, chouette des filles. Et quand on met le disque sur la platine, on se dit mais c'est absolument dingue quoi, parce que c'est efficace, redoutable, c'est court. Wannabe fait moins de 3 minutes. Il y a un hook, ce qu'on appelle aujourd'hui un hook, un crochet absolument dingue. Et ça préfigure de ce que sera la variété des 20 années suivantes jusqu'à aujourd'hui. Cette manière de produire, qui d'ailleurs vient de Suède avec les producteurs de Ace of Base, qui par la suite sont devenus des machines à tubes jusqu'à aujourd'hui, puisque Katy Perry, Rihanna, Miley Cyrus, Taylor Swift. C'est une époque où on commence à avoir des producteurs qui prennent vraiment la main sur l'artistique plus encore qu'avant, où avant on réunissait des musiciens pour mettre en œuvre une mélodie, une chanson. Là, il y avait vraiment une espèce de maîtrise du son, et alors toi tu vas faire le beat, toi tu vas faire la basse, toi tu vas me trouver la mélodie, et voilà, une espèce et Spice Girls, c'est vraiment dans cette mouvance-là. Et ce single, Wannabe, initialement n'était même pas voulu par la maison de disques, qui ne voulait pas lancer l'album avec ce titre-là, c'est elle qui l'ont imposé. En disant, et alors l'histoire et les chiffres de ce single, c'est hallucinant. C'est-à-dire numéro 1 dans 37 pays, 7 millions de singles vendus. À une époque où on se pose vraiment beaucoup de questions sur la musique, c'est des chiffres hallucinants. C'est une époque qui est super intéressante parce que là, on est vraiment dans le top de la FM à ce moment-là et du top 40 de la radio, des top radios. Et de l'objet single aussi ou pas à ce moment-là? Est-ce qu'on est aussi au top de l'objet single? Oui, évidemment. Ouais, et à ce moment-là, il y a la puissance des maisons de disques qui commence à vivre une concentration qui commence à la fin des années 80, on commence à aller vers les majors et donc il y a une vraie puissance. Et moi je me rappelle à l'époque sur la radio que je ne citerai pas une deuxième fois, une radio FM, on passait ça 8 fois par jour. Et donc c'est du matraquage, c'est vraiment cette période là et ça montre les scores hallucinants. Internet n'existe pas, en tout cas balbutie. Napster va arriver en 99 et puis ensuite ça va vraiment se casser la gueule avec le peer-to-peer et le piratage. Mais à cette époque-là, les caisses sont pleines. Il faut bien savoir qu'un disque vinyle coûtait plus cher à fabriquer qu'un CD, et le CD était vendu plus cher que le disque vinyle. Donc là, tout allait bien. Donc, oui, c'était vraiment une industrie florissante à l'époque, et qui il y avait des canaux de distribution qui étaient énormes. Oui, et il y avait les moyens, donc évidemment, pour le clip. Oui, il y avait pas MTV. Et il n'y avait pas que les top artistes qui avaient des clips absolument dingues. Aujourd'hui, malheureusement, si tu ne fais pas beaucoup de ventes, tu n'auras pas le super clip, parce qu'il y a encore des clips absolument hallucinants aujourd'hui. Mais à l'époque, on regardait les clips de grande qualité avec des effets spéciaux, des scénarios étaient monnaie courante. Donc en fait, c'est à la fois une réussite artistique, mais on le sent, c'est aussi une réussite qui bénéficie des plateformes de l'époque. C'est-à-dire que MTV était une chaîne qui était encore très prescrite. Triste, voilà. Hein, j'avais peur de l'accorder, mais si vous l'avez vu pour moi, c'est bien. Et la FM aussi avait encore une domination que aujourd'hui, certains sites de streaming n'ont plus. Ah bah. Oui, alors après, le marketing a un petit peu changé et a un petit peu évolué. Mais en effet, à cette époque-là, il y avait vraiment... C'est l'âge d'or de toutes les stars nées dans les années 80. Madonna est à son top, elle fait encore des super albums. U2 continue de faire des albums absolument dingues. Michael Jackson, l'année de la sortie, sort quand même History et sort ce clip absolument génial qui était à l'époque le clip le plus cher de l'histoire du clip. Ce clip en noir et blanc avec sa sœur Janet. Oui. Scream, bien sûr. Et puis sans compter tous les grands bouleversements de la musique des années 90, Nirvana 91 quand même qui a tout explosé en matière de rock. C'est incroyable, on a l'impression que vous êtes en train de réciter le programme des blockbusters que j'ai fait. Bjork, c'est fou ça. Ces années-là c'est Bjork, c'est Massive Attack avec Bristol, avec le trip hop, c'est les tout débuts de la French Touch. On va continuer de parler de ça. Une belle époque. N'ayez crainte, Sébastien Follin, on va parler tout ça. Mais pour l'instant, on va écouter les Spice Girls, évidemment, avec Wannabe. Yo, tell me what I want, what I really, really want. Don't tell me what be my lover. You gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never. You got G like MC, you liked it on a easy B. You give and come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, ce que génial, c'est quand tu continues même de faire les notes et tu. C'était Wannabe des Spice Girls dans Blockbuster. Et d'un peu Frédéric Zigret. Et d'un peu moi, voilà, sur France Inter. C'était Mama des Spice Girls. Alors, je rappelle que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 via notre répondeur sur le sujet du jour, sur les Spice Girls, parce que j'imagine que vous avez quelque chose à dire là-dessus. Nous sommes toujours avec la comédienne Joséphine Dray, la podcasteuse Océane Zerbini et l'animateur Sébastien Follin. Joséphine Dray, je me tourne vers vous pour vous poser la question que je ne peux pas ne pas vous poser. C'est quelle est votre Spice Girl préférée? Alors, là, je ne sais pas si tout le monde aura... En fait, moi, je me sentais proche de la Spice Girls qui n'était pas ma préférée. Donc en fait, moi je rêvais d'être Ginger Spice. C'était elle qui me fascinait. Mais je savais que je n'avais pas le cran d'être Ginger Spice, qui était beaucoup trop waouh. Et donc je m'étais rabattue sur Baby Spice, qui me semblait beaucoup plus à ma portée d'être beaucoup plus en retrait. Enfin, je parle de cette époque, j'ai bien changé depuis. On mais... dirait un mec qui essaie de draguer en soirée, ça. Genre, ouais, il se rabat, voilà, il redescend de cran. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, je m'étais calmée. Voilà. Et je me suis dit, non, t'as plus une gueule avec Baby Spice, calme-toi. Et donc j'étais beaucoup plus sur la gentillage. Voilà. Alors que mon idole, c'était vraiment Ginger Spice. Océane ? Alors j'adorais Ginger Spice, mais si je devais être honnête avec moi-même, je m'identifiais davantage à Poche. Et je sais que ça peut paraître un choix assez intéressant. Victoria mais en fait, Beckham. Ah ouais, elle ne souriait jamais. Mais personne. Et je souriais pas quand j'étais gosse, donc ça me. Ah ouais. Il y avait une identification à Poche. C'est qui ne souriait jamais. Je crois que t'es la première personne que je connais qui s'identifie à Poche. Ah oui, je pense que je suis en minorité. Hein. Oui, oui, clair. Il y avait une minorité, il y avait des statistiques. Hein. Sébastien, il faut pas imaginer une seule seconde que je ne vais pas vous poser la question. Alors, quelle Spice Girl vous identifiez-vous? Alors, faut dire que par attrait capillaire, j'étais quand même très proche de Mel B. Ok. Voilà. Okay, un petit peu. Mais non, j'aimais bien Poche aussi. Ouais, j'aimais bien. C'est fou ça. Victoria Adams. Ouais, c'est la moins imitation de Poche. C'est ça qu'on. Moi, je crois que c'était la moins. Parce qu'il y a quand même un truc qu'il faut qu'on dise, c'est que vocalement, c'était la moins douée. C'était la moins douée. Littéralement, on était d'accord. On le voyait très bien. Elle était en sous-représentation dans chaque morceau. Elle faisait jamais de solo. Moi, je pense en fait qu'elle était peut-être plus douée que les autres. Et puis en fait, elle disait. Non, moi j'ai pas envie. J'ai pas que ça à faire. Moi, je pense qu'elle était, déjà dans un plan de carrière qui nous échappait. C'est beau de voir ça comme ça. Elle planifiait chacune leur carrière en solo. En fait, pour elle, les Spice Girls, c'était une sorte de tremplin pour faire des carrières solo. Mais très tôt, elles avaient déjà cette idée très tôt, en tête. Ouais. Ah, je savais pas. Puis elle a inventé un peu le duckface quand même. Oui, complètement. Oui. Ouais. T'imagines, Victor, les Spice Girls à l'époque des réseaux sociaux. Mais oui, on peut très bien imaginer en fait. Et moi, puisque vous ne m'avez pas demandé. Si. Et est-ce qu'on peut même jouer à deviner? Non, bah allez-y. Voilà, on va jouer à deviner. Moi, j'aurais dit Mel B. Mel B aussi, oui. Mel B. Non, la sportive. Eh bien, oui, Sébastien Follin, Mel B. Ok. Elle qui était pour moi la vraie chanteuse du groupe aussi. C'était la meilleure chanteuse. On est d'accord. Et alors, il faut poser la question. comment se sont rencontrés les Spice Girls. Est-ce que c'est vraiment une histoire, vous savez, comme dans les films, une histoire d'amitié qui a commencé à la petite école, elles sont devenues chanteuses, ou est-ce que c'est plutôt une fabrication Il y a deux versions, je crois. Joséphine Rye. Il y a deux versions. Moi, j'ai lu, j'ai su en même temps qu'elles s'étaient rencontrées à force de se croiser dans des castings et des auditions, et qu'elles étaient devenues copines comme ça, et qu'elles avaient été rappelées ensuite pour cette énième audition. Mais elles étaient déjà connues avant entre elles. Et il y en a qui disent juste qu'elles ont été recrutées une à une. C'est plutôt la deuxième version. Ouais, voilà. C'était un producteur anglais qui voulait se créer un girls band en réponse justement aux boys band de l'époque et qui organisait un casting avec près de 400 candidates apparemment qui avaient auditionné. Donc il y a eu tout un processus très compliqué. Et c'est pendant ce processus qu'elles se sont rencontrées. Ouais, d'accord. Et il y a eu des Spice Girls inconnues qui ont quitté le groupe, qui ont quitté l'aventure avant même qu'elles se fassent connaître avec Wannabe. C'est ça, je crois que ça s'appelait Michelle. Les rumeurs disent qu'elle s'est faite virer du groupe et qu'à la place, c'est Emma. Elle avait une moustache, Emma... Michelle ou... Non, quand Michel, tu dis Michelle, je pense à une moustache. Elle, on est d'accord. Ah, d'accord. Je ne comprenais pas. Ah oui, d'accord. Vous êtes sûr que vous aviez 10 ans? Elle s'est fait virer ou elle est partie un peu comme à la Beatles où elle a loupé le coche? Elle s'est dit non, finalement, j'y crois. On ne sait pas trop. C'est terrible, ça. Et c'est comme ça que Emma l'a remplacée. La dernière. Pit Best des Spice Girls. Et alors, c'est fou pour donc un groupe qui s'est créé de cette manière, qu'assez rapidement, elles virent leur manager, parce qu'elles ne sont pas satisfaites de la manière dont ils les habillent, des mélodies qu'ils leur proposent. Donc elles le virent. Ensuite, on lance un album. Elles disent non, on va mettre Wannabe en premier. Ouais. C'est-à-dire que pour des gens qui sont dans une structure hyper cadrée, elles sont quand même hyper indépendantes. Bah, sûr de leur fait, c'est bien, c'est la preuve que rien n'arrive vraiment par hasard, c'est-à-dire qu'elles étaient formatées pour aller là où elles devaient aller. Oui, mais justement, c'est pas l'inverse. J'aurais dit que quelqu'un qui est si formaté et si conditionné devrait être, en fait, se la fermer très vite pour suivre le chemin qu'on leur a tracé. Donc, c'est plutôt un peu à contre-courant de ce qui était prévu pour elles, non? Non, mais je veux dire, elles étaient, dans leur état d'esprit. Je sais pas qui était celle qui prenait le lead. Ouais. Mais je pense que, voilà, il y a des choix à faire par moment et chez les artistes. Mais elles ont eu le cran. Oui, justement. C'est ça. Donc, il y a eu ce choix de se dire non, c'est ce qu'on veut faire. Et donc, c'est quand même extrêmement fort. C'est pour ça que je disais que quelque part, rien n'arrive par hasard et qu'elles avaient l'étoffe et le caractère pour aller là-bas. Et elles ont écrit énormément de leurs chansons. Alors, elles étaient co-auteurs et co-compositeurs. Parce qu'il y avait toute une ribambelle, mais elles co-signaient toutes les chansons. Alors après. Elles jouaient pas dans les clips, j'ai pas souvenir d'en voir jouer d'un instrument. Hein. Non, elles jouaient pas d'instrument, elles. Hein. Elles étaient occupées à danser. Oui, c'est pour ça. De toute façon, c'est l'avènement avec toutes les années à suivre, des concerts où on est en playback. Et performing à fond. Et parce qu'on danse et que c'est quand même difficile de faire des pompes et un salto arrière et puis de tenir une note pendant 10 secondes, quoi. Donc, Madonna le faisait aussi, hein. Mais Beyoncé, quand même. C'est... Bah oui. Oui, mais. Je suis un peu team Beyoncé aussi. On en reparlera peut-être. Bon, alors, les Spice Girls, c'est vrai que c'est bien. Mais pour des gens, des auditeurs de France Inter qui ont l'habitude de la police, ils se disent attendez quand même, une heure comme ça va être long. Alors ne vous inquiétez pas, voici un petit îlot de sûreté musicale avec une chanteuse qui elle aussi a un nom intéressant qui s'appelle Bonnie Banane. Voilà, Bonnie Banane, elle va vous interpréter La Lune et le Soleil. On va essayer d'oublier très vite cette intervention, voyons Océane. Cette émission a été réalisée par Anne-Sophie Ladon, Fanny, Céline, il a pleuré par plein de gens. Jeanne Paravert, Sarah Masson ont préparé, aidé par Tom Malky, notre stagiaire, et à la technique aujourd'hui, Pauline Laverdure et Florent Boujon. Personne ne t'impose. C'était Bonnie Van. Il a décidé de finir toutes les fins de chansons qu'on a écoutées. Mais je fais ce que je veux, c'est mon art à moi. C'est la lune et le soleil. On apprécie, hein. En route pour Blockbuster sur France Inter avec Frédéric Sigrist. Ah, c'est pour ça. Voilà, Brigitte Lecordier. D'accord, ok. Et oui, très bien. La doubleuse officielle de Son Goku. Oui. Voilà. Ah ouais, wow. Ah ouais. Oui. Incroyable. Non. Mais si. Incroyable. Mais si. Oh. J'ai la doubleuse de Son Goku qui m'a fait mon jingle rien qu'à moi. Génial. Voilà. Joséphine Dry. On a parlé de Wannabe, mais après, il y a un album, bien évidemment. Le premier album des Spice Girls qui casse absolument tout. J'imagine que vous avez tout de suite acheté l'album quand il est sorti. Évidemment. Et j'avais le poster géant de la couverture de l'album dans ma chambre. C'est la première chose que mon père m'a dit quand j'ai dit, tu veux m'écouter à 17h, enfin, il me dit, ah oui, t'avais le gros poster dans la ça a marqué tout le monde. Oui, bien sûr, j'avais l'album tout de suite. Et alors, comment vous l'avez reçu ? Est-ce que toutes les autres chansons étaient au diapason ? Oui. Et puis, oui, je trouve que c'était quasi toutes des tubes. Peut-être une ou deux en dessous, mais c'était toutes des tubes. C'était déjà aussi, ça voulait vraiment dire que l'objet avait été pensé au millimètre près et que c'était, voilà, il n'y avait rien qui était dû au hasard là-dedans. Mm-hmm. Océane ? Ouais, je trouvais que l'ensemble était très homogène. C'est peut-être pour ça aussi qu'avec le recul, j'ai parfois du mal à me souvenir de tel titre ou pas, parce que je trouve que c'est tellement un bloc massif qui a quelques nuances évidemment, mais ça reste quand même vraiment très formaté dans le même moule avec évidemment des paroles que je redécouvre aujourd'hui, genre de To Become One, je crois. Ah bah, j'adore. Où je redécouvre un peu l'aspect un peu romantique que je ne savais pas quand j'avais 3 ans. C'était assez rigolo. Oui. Moi, j'étais encore entre deux, justement. Le To Become One, c'est le moment où je disais, oulala, je sens qu'il y a un truc qui est un peu chelou, je connais pas très bien encore, mais de ça deux, m'intéresse. Il passe à un. C'est un peu, oui, c'est, comment c'est possible? Ce sont des c'est super Pac-Man. Pouvoirs. Ouais, c'est ça. Il l'a mangé. c'est terrible. Et alors, Sébastien, justement, en tant que directeur d'antenne, quand on reçoit l'album des Spice Girls, je pose la question, est-ce que vous vous êtes dit, tout de suite, c'est un bon album ou c'est très commercial? Oui, alors quand tu diriges une radio commerciale, t'es pas dans cette logique de dire oula, ça c'est commercial, ça je vais le mettre de côté. Où est-ce qu'elle est ma collection de Frank Zappa? Voilà, donc non, évidemment, tu mets l'album sur la platine et tu sens bien que c'est une machine à tube, quoi. C'est évident, mais j'aime beaucoup la pudeur d'Océane quand elle dit c'est un bloc tellement homogène que. Elle dit pas, en fait, c'est tout le temps la même chanson. Non, mais en plus, je ne peux pas dire ça. Ça y est, je viens de me prendre tous les fans. Mais je trouve que c'est pas du tout quand même. Parce que justement, To Become One, c'est vraiment une balade. Alors, c'est rien à voir. C'est une très belle balade. Hein. Si tu colles To Become One et Wannabe, rien à voir. Je vais me faire arracher les yeux. Non, mais pour juste vous prouver. Moi, je connais mal, très mal Sébastien Follin. C'est rien à voir avec lui. Cette petite parenthèse, que juste avant que l'émission commence, tu dis donc, bah, elles ont sorti que 2 albums. Je dis, bah, non, elles ont sorti 3. La preuve que je ne suis pas un fan, puisque les fans de Spice Girls considèrent qu'il n'y en a eu que 2, puisque quand Jerry Halliwell est parti, Forever, le troisième, n'existe pas en fait. C'est vrai. Donc voilà, je suis désolé, je suis alors, c'est un album, qu'un profane. C'est un album qui a cartonné sur la planète et qui a bien marché en France, mais j'ai tiré le hit parade de 97 et de 96 en France. En premier, quand même, en 96 en France, c'est les Fugees. Mmh. Ah waouh. Oui, avec The Score. Et en deuxième, c'est Céline Dion. Avec Falling Into You, et en 3, les Words Apart. Ah bon, ah bah là, j'avais aussi cessé de. Et en 4, de nouveau Céline Dion. J'ai l'impression qu'en France, on aime quand même Céline Dion. Elle venait de sortir son album en français, là c'était l'album en anglais, enfin elle était au top aussi à cette époque-là. D'accord. Mais c'est dingue quand tu cites les titres, c'est vrai que j'avais oublié les Fugees. Ça a été quand même une sacrée claque. Donc elles n'étaient pas premières. Sur un vente d'album, sur la globalité, elles n'étaient pas premières. Il y avait les Cranberries qui étaient au-dessus d'elles. Mylène Farmer aussi. Paul Naref. Alors, dans d'autres pays, elles étaient vraies, elles caracolaient en tête. Hein. Mais chez nous, ça résistait profondément. Alors, faire une émission sur les Spice Girls, évidemment, c'est agiter un chiffon rouge devant les Jean-Michel. J'ai de la culture musicale. Qui vont s'empresser de t'expliquer combien tu as eu tort d'aimer ce que tu aimes, parce que c'est quand même leur sport préféré dans la vie. Eh bien, c'est leur moment. Le moment, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. C'est vraiment une expression commerciale de la musique. Elle est choisie pour des raisons sur des critères physiques. Je dirais qu'ils sont presque des critères à rien. Inévitable conséquence de cette ascension planétaire, nos 5 amis sont régulièrement désormais transformés en femmes sandwich. Enfin, même les pubs de sous-vêtements osent plus utiliser des personnages comme ça. Gare à l'indigestion, avertissent les spécialistes qui craignent une surexposition jusque sur les paquets de chips, parfums bacon oignon et les canettes de boissons gazeuses. Les filles épicées, qui ont fait rêver des millions de gamines, sont devenues des épicières qui se vendent en Pepsi, t-shirts, déodorants. Résultat, au-delà de leur discutable talent musical, un effet de saturation. Alors à chaque fois, c'est plutôt bien fait, mais au bout d'un moment, c'est assez étonnant. Vous avez l'impression d'écouter un catalogue, d'écouter une suite de chansons qui sont faites à la manière d'eux. C'est comme si elles avaient voulu copier un petit peu tous les styles dans chaque genre. Sans rire, elles affirment en effet qu'elles ont changé et qu'elles sont aujourd'hui beaucoup plus intéressantes qu'hier. Dans ce domaine, il faut dire que ce n'est pas très difficile. On est quand même parti de très très bas. Vous êtes complètement incapable de définir ce qu'est le style Spice Girls, puisque c'est vraiment finalement cet art très habile du recyclage qui a en plus pour intérêt de plaire à peu près tout le monde. Voici 2 ou 3 ans, on ne sait plus, quand on n'aime pas, on ne compte pas, à l'annonce de leurs adieux, personne n'avait vraiment versé une larme, à commencer par leurs fans, qui s'étaient déjà à peu près tous tournés vers Britney Spears. Elles vont se reformer parce qu'elles sont bien déformées, en tout cas, pour l'instant. Non, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Peggy, si tu nous écoutes, spéciale dédicace. Petit clin d'œil. C'est bon mot. Alors bon, on voit que les Spice Girls n'ont pas... plu à tout le monde, qu'on leur a souvent reproché de vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et c'est vrai qu'il y en a eu énormément de produits dérivés. Donc, quelle est votre opinion là-dessus? Non, moi, évidemment que là, si je reviens en arrière à quand j'avais 12 ans, 13 ans, ça ne me dérangeait absolument pas. J'étais ravie. J'étais en plein dans, justement, j'étais la cible idéale. Ah, génial, un verre chez Pepsi, papa, on va chez mon McDo. C'était, voilà, moi, c'était parfait. Je tombais dans tous les panneaux. J'en avais pour tous les, ça m'arrangeait. Mais je pense que oui, si j'étais aujourd'hui adulte et que je voyais ça, je le verrais clairement d'un œil différent. Mais je l'ai pas du tout subi comme étant, ah, c'est trop, je me sens oppressée à trop Spice Girl. Je ne pouvais même pas juger que ça pouvait être. L'idée même de gagner de l'argent ne me paraissait complètement étrangère à cet âge-là. C'est Anne ? Ouais. En fait, moi, j'avais juste un t-shirt. Donc, l'aspect publicité me marquait pas vraiment. Mais c'est vrai que quand on se renseigne sur toutes les enseignes de pub, à un moment donné, elles représentaient environ 20 marques. C'est absolument énorme, ouais. Même pour aujourd'hui, c'est absolument énorme. Donc, je pense qu'à l'époque, je pouvais comprendre l'overdose parce que c'est vrai qu'à un moment donné... Où est la frontière entre être, comme le disait le j'aime pas, être une femme sandwich et être une musicienne? C'est vraiment une limite très grise. Ouais. Et j'ai l'impression que les artistes d'aujourd'hui la comprennent un peu mieux parce qu'ils ont mieux compris les enjeux de la publicité et de ce que ça peut leur apporter ou pas à leur image de marque. En même temps, c'est aussi une époque où au cinéma, on peut voir sur les écrans Independence Day, qui n'est pas le film le plus subtil du monde et qui a pourtant fait des millions d'entrées. Twister, il y a un film où tu as des gens qui courent poursuivis par une tornade. C'est aussi une époque où on donne du grand spectacle, et je pense que même musicalement, on donne aussi cette idée de grand spectacle sans forcément voir à mal. Il y a vraiment l'envie de satisfaire. Le plaisir de l'auditeur, spectateur et consommateur. Ouais, c'est l'opportunisme aussi. Oui, peut-être. Sébastien Follin ? Et en fait, les Spice Girls sont les têtes de pont d'une industrie. Et elles ont été... Ça n'enlève rien à leur talent d'artiste. Voilà. Après, il y a toute forme d'expression artistique. Et je pense que le plus important, c'est de respecter les dizaines de millions de personnes qui ont acheté leur disque. Donc, c'est que ça a touché des personnes. On le voit très bien là avec Océane et Joséphine. Mmh. Donc, ça, d'abord, il faut le respecter. Mais par ailleurs, ça reste un produit qui a été pensé dès le début. C'est-à-dire que ce sont des personnages de fiction. C'est vrai. D'ailleurs, la sportive, la snob, la vulgaire, la baby doll. Enfin, donc, ce sont des avatars. Donc, il ne faut pas s'étonner de voir ensuite ces avatars qui ne sont pas les artistes à proprement parler, mais plus leurs avatars sur des canettes de Pepsi, comme on a pu voir aujourd'hui. Ça ne choque plus personne de voir Maître Yoda. Pardon, j'ai cité un personnage. Disney m'a bien guéri. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est rentré. On voit des comédiens ou comédiennes qui nous vendent des parfums, bon bah super. C'est-à-dire qu'on en mange à toutes les sauces. Et pourquoi est-ce que les Spice Girls, alors qu'à l'époque déjà, Michael Jordan, on le voyait partout sur les paquets de popcorn, de Pepsi, etc. Ouais. Et qui était mon idole et qui était l'idole de beaucoup de monde, ça choquait personne. Donc il y a aussi le fait que ce soit des nanas qui affirmaient aussi, quelque part, leur indépendance. Parce que quand vous écoutez les paroles de Wannabe, c'est quand même un truc inversé. C'est de dire non, mais moi, je... Ah oui, c'est pas la seule chanson qui c'est... qui fait ça. Et voilà. Et donc, il y a quand même, on est obligé de le dire, il y a une espèce de petit rire sous cap en disant, mais c'est qui ces gonzesses pour qui elles se prennent? Mais sauf que elles ont ouvert quand même, faut garder à l'esprit, c'est marrant ce que disait Océane tout à l'heure quand elle a dit qu'à 3 ans, c'est la première fois qu'elle voyait des filles. C'est vrai que on peut compter. Alors, je vais pas faire une liste exhaustive, mais il y a les Supremes dans les années 60 avec Diana Ross, qui a été quand même quelqu'un qui a aussi joué sur l'émancipation des artistes féminines. Les années 80, c'est Bananarama, les Anglaises et les Bangles. Il y en avait pas mille, quoi. Non, Salt and Pepper. Et puis oui. les années 90. Et là, je parle des groupes qui ont une aura internationale, hein, parce que ça, sinon, il y en a d'autres. Ouais. Mais après les années 90, là, il n'y a pas encore les All Saints. Les Destiny's Child existent déjà, mais elles n'ont pas encore percé. Les rivales, les All Saints, Il y a En Vogue aux États-Unis, il y a TLC. On n'est pas dans un monde extrêmement féminin. Elles ont ouvert la voie à tous ces groupes. Et voilà. Et donc elles ont ouvert cette voie. Alors on mettra des liens hypertextes dans la conversation de Sébastien Follin qui vous renverront vers les blockbusters traitant de ces artistes. Ah oui, d'accord. Ok. Parce que c'était pas exhaustif, mais il y en avait beaucoup quand même. Faut pas chauffer sur des listes. J'ai remarqué, Sébastien, il part vite sur des listes. Je t'en ai cité 2 ou 3 par décennie. C'est quand même pas. Ah, j'ai compris 2 ou 3 par seconde surtout là. Mais n'empêche, comme vous l'avez dit, Sébastien, c'est vrai. Que faut pas oublier qu'il y avait quand même des chansons qui ont marqué des millions de fans sur la planète, et tant et si bien qu'il y en a même certaines qui se souviennent encore de chansons aujourd'hui et qui viennent dans des émissions consacrées à des artistes avec une guitare. Je suis en train de faire un gros teasing. Ce serait bien que tu prennes ta guitare. C'est qui la dame qui va arriver pour chanter? C'est ça, c'est un gros clin d'œil. Mais c'est une chanson dont on n'a pas encore trop parlé. Il y a eu un petit extrait au début qui est une de mes préférées. C'est Say You'll Be There. Vous la connaissez. Vu que c'est un impromptu, il y a une guitare qui vient de tomber du ciel. Ce serait dommage. Je me suis dit, c'est sympa, hier soir, je vais la déchiffrer. Et voilà, on pourrait peut-être tous la chanter. Si jamais certains, ça y est, tout le monde. Mais bon, Océane, peut-être, dans les je chante très mal, ce sommet. Moi, je sens qu'il y en a un ou deux qui vont se chauffer pendant. Mais on pourrait tous t'écouter. Ceux chez vous, alors chantez chez vous, j'espère. C'est parti pour une petite version acoustique. Last time that we had this conversation, I decided we should be friends. But now we're going round in circles. Tell me, will this déjà vu never end? Now you tell me that you're falling in love. Well, I never ever thought that would be. Time, you gotta take it easy, throwing far too much emotions at me. But any fool can see they're falling. I gotta make you understand. Allez avec moi. I'm giving you everything, all that joy can bring. Yes, I swear. Yes, I swear. And all that I want from you is a promise you will be there. I'm giving you everything, all that joy can bring. Yes, I swear. Oh, yes, I swear. And all that I want from you is a promise you will be there. Bravo! Alors, tu t'es lâché, et là, tout d'un coup, m'apparaît que Joséphine Drey la chante mieux que les Spice Girls, en fait. C'est super beau en guitare sèche comme le ça. Le côté acoustique, hein. On la reconnaît, ça la reconnaît, la chanson. Bah oui, non, mais bravo, bravo. Alors, on a parlé des albums, mais il y a aussi un film. Ah oui, un film, évidemment. Il faut être exhaustif, il faut parler du film. Et on va d'ailleurs en écouter un extrait de ce film dont je parle, Spice Girls, les movies. What's it like to be Baby Spice? Qu'est-ce que ça fait d'être Baby Spice? I'm always going to be seen as Baby Spice. On va continuer à me cataloguer Baby Spice, la jeune fille innocente, même quand j'aurai... 30. La trentaine. Avoue que tu adores ça, tu peux pas t'empêcher d'en rajouter tout. No, I don't. Non, alors là c'est faux. Si, je t'assure, c'est encore le cas d'ailleurs. C'est des mensonges. Le truc chez toi, Emma, c'est que quand tu souris, tout le monde craque. Et tu réussis toujours à t'en tirer. Alors, parlons de ce dossier délicat, le film des Spice Girls. Moi, je trouve ça drôle. Je trouve que c'est une belle carte d'identité de ce qu'est le groupe. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup de second degré. Dérision, vachement. Alors, ok, c'est pas une grande œuvre de cinéma, hein, mais encore une fois, ce film est fait pour les fans. Il faut garder à l'esprit quand même que c'est tout un écosystème, quoi. Donc, c'est facile de regarder le truc de l'extérieur. Clairement, je n'écoute pas en boucle tous les albums des Spice Girls. Et le film, j'ai dû le voir une fois, j'en garde pas un grand souvenir. Mais peu importe. C'est quelque chose de super cohérent. Et il y a beaucoup de second degré. Roger Moore, dedans. Non, mais c'était quand même. Il y a des moi, j'ai le souvenir de cette soucoupe volante. Et en fait, ça m'a traumatisée quand j'étais petite. Et j'ai jamais osé revoir le film depuis parce que ça a été. En fait, je pense que j'étais trop jeune pour le voir. Et en fait, tout l'humour m'est passé totalement au-dessus. Du coup, en tant qu'objet filmique, c'était rigolo parce qu'il y avait mes héroïnes qui jouaient. Et elles avaient des tenues rigolotes et c'était cool. Mais je pense aussi que c'était pas. J'étais trop jeune pour voir ce film et je pense que je suis encore trop. Maintenant trop vieille en fait, je pense que j'ai raté quoi. Bah oui, bah, à mon avis, il y a une fenêtre de tir pour apprécier ce film qui doit être très petite. Parce que moi je me sentais beaucoup trop vieux quand je l'ai vu. Ah, bah voilà. Ah, ok. Moi je pense que même à mon âge, je ne vais pas avoir saisi toutes les blagues à double tranchant. Ah ouais. Je pense. Il y en avait certaines, tout, comme le To Become One, j'avais pas tout compris. Oui, voilà. Je pense que j'avais pas compris toutes les. Mais c'était suffisant pour justement apprécier encore une fois être la cible de me dire il y a juste mes stars préférées qui sont avec des costumes incroyables. Encore une fois, voilà, moi je les aurais vues. Après, c'est un film qui a très bien marché quand même. Hein. Je m'étonne. Vu la fanbase, c'est sûr que. Ah ouais. Et alors, si on devait. Parce qu'il y a évidemment eu la séparation des Spice Girls. Moi, je compte. Après, ça aussi, c'est une question de fan. Est-ce que le départ de Jerry Halliwell est pour vous la fin des Spice Girls? Oui. Pour moi, c'est le début de la fin. Oui. Ok. T'es plus nuancé sur le. Okay. Moi, pour moi, je l'ai pris comme une trahison personnelle que Jerry parte. Mais... Pour moi, elle éventrait le groupe. Vous ne vous êtes pas revus depuis? C'est ça, ouais, grave, j'en parle comme si c'était des potes. C'est l'équilibre du groupe qui a été mis en péril, je trouve, parce que chacune d'elles incarnait 20% du groupe et c'était très bien équilibré dans les clips, les tenues. Ça fait 5% de plus chacune, c'est pas mal. Mais justement, ça s'est pas passé comme ça, je trouve. Fusion acquisition, quoi. Ouais, ça s'est pas passé comme dû, ça. Ça s'est mal. Les cartes se sont mal rebattues par la suite. Il faut dire qu'aussi, Jerry Halliwell a tenté une carrière solo et a eu notamment ce titre qui était une reprise mais qui a très très bien marché. Il pleut des hommes. Mais oui. Et donc ça n'aide pas. Quand quelqu'un quitte un groupe et tout d'un coup trust les hit parades, là on peut vraiment mal le vivre. Je pense qu'il y a aussi ça. Si jamais elle était partie toute seule et avait fait un bide, ça se serait peut-être mieux passé. Mais là, il y avait un côté. C'est un duel fratricide entre les deux, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a su vraiment pourquoi? Alors. C'est vrai. En préparant cette émission, j'ai vu Mel C qui s'exprimait une nouvelle fois 20 ans après et expliquait qu'en fait, il y avait déjà eu beaucoup de départs dont personne qui n'avait pas trouvé d'écho dans la presse. Chacune avait voulu partir à un moment donné, mais que Mel B et Jerry Halliwell s'étaient toujours promis de se dire que si jamais il y en avait une qui en avait marre, elle le disait et c'était annoncé de concert. Or, Jerry est parti sans en parler à Mel B, alors qu'elles étaient avant la fin du contrat aussi, ce qui a posé quelques bisbilles juridiques. Donc il y a eu trahison. Voilà, c'est ça. Du coup, c'était pas fait dans les règles, on est d'accord. Ah, pas c'est tellement, sale. Non. Bah oui, du coup. Mais alors évidemment, là on parle de la fin des Spice Girls, mais ce système, cette création de groupe avec des filles comme ça, pensées pour plaire à différents publics, ça existe aujourd'hui dans un genre musical qui cartonne au niveau mondial, c'est la J-pop et la K-pop. Oui, la K-pop, bien sûr. Et ça préfigure la J-pop, ça. C'est quoi? Japon et Corée. Et d'ailleurs, du coup, comme Blackpink notamment. Oui. Et si on veut faire une espèce de boucle temporelle, on peut la faire temporaire. Est-ce qu'on peut faire une boucle temporaire? Elle sera également temporaire, comme ça tombe bien. Je fais donc une boucle temporaire. Je fais une boucle temporaire. Je fais une boucle temporaire. C'est fini. Donc voilà, donc si on fait une boucle temporelle, si on va dans les années 80, ce dessin animé, J'aime, quelque part on aurait pu imaginer que c'était une forme d'inspiration pour le, j'en sais rien, hein, mais j'aime bien dire que la pop culture s'inspire toujours énormément. Rien ne se crée, tout se transforme, mais même les Bioman, les Power Rangers fonctionnent sur le même système que les Spice Girls et ça nous amène en effet à la K-pop et à la J-pop où là c'est carrément des machines à tubes. Mais pourquoi ça n'arrive pas en France? Parce que clairement c'est pas arrivé en France. Ça cartonne en France, là. j'ai plus l'âge. Quand on pose cette question, on connaît l'âge des artères. Oui, complètement. Non, mais ça cartonne. Ça cartonne absolument. Et c'est vrai que la K-pop et la J-pop, c'est vraiment des groupes alors totalement formatés, fabriqués. Ils chantent en japonais, en coréen, en chinois. Ils jouent la comédie, ils dansent. C'est hallucinant. Alors, dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais pour le moment, on écoute Rosalia et Travis Scott avec Taken. Cosas de familia no las tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Take it. Take it. Take it. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Take it. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Zoom en la cara, Gaspar Noé. Tono dispara, la vacía. Vivía, vivía, Dolce Vita. Mi mandita duro, dinamita. Tatúa de pie hasta la nuca. Vestía de negro como Kika. Vivía, vivía, Dolce Vita. Mi mandita duro, dinamita. Leche con azúcar. Ella tiene medida, brazuca. Esa mami. She got hips, I got a grip for a lot of ass. Don't need to have more. I know it's sweet. I like that. I got word that is wet, well, let's drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it fresh, you get this work right when you come in town. Need you right here. Know you the queen of giving ideas. No, my new friends don't bring the hype here. No, you got problems, but it's not fair. Cosa de familia no la tiene que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedo confiar. Más te vale no romper la muerta. Take it, take it, take it, take it, take it. Ni un amigo nuevo, ni una haría. C'était Rosalia et Travis Scott. Et maintenant, on joue. Blockbuster. Le grappin m'a choisi. Frédéric Sigrist. Adieu, mes amis. Je vous quitte pour un monde meilleur. Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Vincent au téléphone. Bonjour, Vincent. Bonjour. Alors, j'ai. Bonjour. Bonjour. Bonjour. J'ai une question, Vincent. Tout le monde y a eu droit. Quel était votre Spice Girl préféré? Moi, je crois que je vais dire Ginger Spice aussi. Hein. Ah ouais, bah oui. La vraie question, c'est quelle Spice Girls rêviez-vous d'être? C'est ça. Voilà. Alors, ça peut être un peu ça aussi. Voilà. Les deux. Bravo, les deux. Les deux. C'est pas mon cas, donc oui. Alors, vous allez devoir répondre à trois questions en 25 secondes chrono. Si vous ne pouvez pas répondre, aucun souci. Vous avez droit à un joker qui vous permettra d'être aidé par l'invité de votre choix. Alors, pas moi. Hein. C'est pas moi. Ça. Je vous préviens tout de suite. C'est très parti. Très mauvaise pioche. C'est parti. Première question. Quel est le véritable nom de Sporty Spice? Donc c'est Mélanie Tizol. Bravo. Et bravo. C'est bien, on commence bien. Question suivante. En 2007, lorsque le groupe se reforme pour une tournée mondiale, il vend 23 000 billets en 38 minutes, 38 secondes, 38 ans, ce qui pose un problème d'emploi du temps certain aux membres du groupe. Alors, je vais tenter 38 secondes. Vous êtes sûr? Oui. Eh bien, c'est une bonne réponse! Formidable. Dernière question. Quel est le titre de la chanson que nous allons entendre? Il y a aussi la guitare, si vous voulez. Direct, allez. Pour l'after. C'est la préférée de Zéphine, je crois. To Become One. Eh bien, bravo, c'est un sans faute. Vous avez gagné un retour des Spice Girls. Oui, rien que pour. Non, c'est pas vrai. Vous avez gagné un exemplaire du jeu de société. Vous allez aller au concert. Oui, non, mais rêvez pas quand même. C'est service public. Hein. Vous allez avoir un jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre, un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Ah bah, c'est super. Parfait. Merci à vous d'avoir participé. Bien. À bientôt, Vincent. Merci. Alors, avant de conclure cette émission, j'aurais une sorte de petit conseil culturel à vous demander. Voilà, vous profitez de l'antenne, un petit conseil de groupe musical ou autre qui donne la pêche comme les Spice Girls ont pu vous le donner dans les années 90. Donc quelque chose, mais qui une sortie actuelle. Voilà. Joséphine. Je vais pas me lancer en premier, justement. Faut que je réfléchisse. Ah, c'est à moi, d'accord. Comme les restos ou les blagues, faut pas me demander tout de suite. Alors, le truc, c'est que moi, j'ai donc, comme beaucoup, un compte Spotify ou Deezer, bref, et j'écoute souvent les trucs de mes gosses. Et actuellement, je m'éclate en écoutant les trucs comme Bosch, Elle est John. Ah, Bosch, qu'on a vu dans la série. Elle est bien bombée, elle est Bosch. Oui, qu'on l'a vu dans la série. Bien sûr, mais oui, je vais en valider moi-même, et c'est vrai qu'il est génial. Oui. Donc, le monsieur très énervé. Voilà, exactement. Oui. Et voilà, ce genre de chanson, Jombe, c'est Gradure, Russ l'Enfoiré, tous ces trucs-là, ça file la pêche. Alors, c'est absolument pas ce que j'écoute quand je suis tout seul, mais si je veux me réveiller et que, après avoir écouté James Brown, Michael Jackson, Bob Marley, Miles Davis, hop, je me mets un petit Jombe. D'accord. Okay. Voilà. Océane. Ben moi, ce sera deux rappeuses, donc ce sont No Name et Little Sims, que j'aime beaucoup toutes les deux, et je remercie mon copain de me les avoir fait découvrir parce que c'est vraiment de très belles voix féminines et qui disent des choses très intéressantes sur les États-Unis et la condition féminine. Parfait. Joséphine Drey. Non, mais c'est horrible parce que là, j'ai rien et je veux pas dire quelque chose pour dire mais quelque pouvez, chose. Mais vous pouvez ne rien conseiller aux gens. Hein. Non, je connais l'effet pangolin, par exemple. Non, mais c'est vrai que musicalement, là, récemment, j'ai pas écouté des choses justement qui m'ont donné la pêche récente. J'écoute des vieilles choses. Donc là, j'ai rien de là de sous le coude à conseiller. Non. Et ben voilà, on vous conseille rien parce que le silence aussi des fois, oui, c'est aussi une source d'énergie. Ouais, je préfère plutôt que de voilà, dire quelque chose. Se retrouver soi-même, en tout cas. Se retrouver seul face à soi-même. Merci à tous et à toutes, c'est la fin de cette émission. Merci à Joséphine Drey, Océane Zerbini et Sébastien Follin. Merci pour l'invitation et le retour en arrière à mes 3 ans. C'était très touchant. Et à mes 10 ans. Et bah oui, c'est sympa pour ce petit coup de jeu pour tous. Je rappelle évidemment que l'effet pangolin de Sébastien Follin reprend à la rentrée avec Frédéric Sigrist. Ah bon? Ah bon? C'est super, c'est marrant, ça. Je viens de trouver du boulot à l'antenne. Ah oui, c'est génial. Tout à fait, je t'augmente d'ailleurs. Oui. Avec le Festival Atmosphère, dont on peut peut-être. Tout à fait. Festival Atmosphère qui se tiendra du 6 au 11 octobre cette année. Ce sera les 10 ans du festival de cinéma et de développement durable. Et un festival dont les marraines sont Hélène Courtois et Camille Etienne. Oui. Et d'ailleurs, l'effet pangolin, c'est une émission qui avait un regard tourné vers le monde d'après, mais non pas le monde d'après que l'on a pu vendre comme ça, un petit peu comme une sorte de concept un petit peu marketé, mais vraiment des gens qui travaillent activement pour créer le monde de demain, des astrophysiciens, des gens qui travaillent dans le milieu associatif. Je vous invite à regarder ce talk show très intéressant. Et pas parce que je suis dedans. Vraiment. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission. Et également Twitter avec le hashtag Blockbuster EFI. C'est bon, ça tourne. Excusez-moi, vous voulez bien arrêter de filmer? Merci. Ah, je coupe. Et on se retrouve lundi pour parler du Buster Keaton des arts martiaux, Jackie Chan. Mais dans quelques instants, vous allez retrouver le mag de l'été avec Émilie Blommetinger. Bonjour Émilie, avec nous. Et oui, je suis descendue d'un étage. Super. Bonjour. Bonjour. Alors nous, dans le mag de l'été, on aura du live avec le duo Sage comme des Sauvages et leur album Luxe Misère. Et du live avec Ricky Hollywood, cette fois-ci avec son album Le Sens du Sens. D'accord, ok, mais que des réussissants. Ils sont tous avec vous? Tous avec nous. Que du live? Ils sont tous en balance, tous avec nous. Génial. Alors la prochaine fois que vous venez comme ça faire le passage d'antenne, vous venez avec eux? Parce que, on peut pas être à 29 dans le même studio, Frédéric. Bon, on va écouter. En tout cas, je vous souhaite une bonne émission. Merci beaucoup.